Fou 89.1 FM. FM. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au palmarès, il faut pour la semaine du 2 au 8 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania. Hey, salut, ça va bien? Oui, encore une autre émission ensemble. Ben oui, encore. Ça arrête jamais. Hey, jamais vous êtes pris avec nous. C'est ça, on fait assemblage, requis, assemblage, requis, assemblage, requis, palmarès, c'est fou. Assemblage, requis, voilà. Assemblage, requis, assemblage, requis, palmarès, c'est fou. C'est bon beat à prendre. C'est nos belles semaines. Exactement. Donc, on est là pour 3 heures ensemble. On va évidemment entendre plein de bonnes choses. On va savoir d'ici la fin de l'émission si notre numéro 1 anglophone est toujours The Deers avec I Used to Pray for the Heavens to Fall. Et du côté francophone, eh bien, on va savoir si Galaxy est encore au top numéro 1 avec Portugal ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais là, avant de se rendre au numéro 1, on va quand même bien commencer par les nouvelles entrées. Ben, il faudrait. Hein? Avant de vous dire les nouvelles entrées, plus tard dans l'émission, il va y avoir un bloc C'était fou, il y a un bloc Palm Rest in Peace et un bloc Un Instant Classique. Je me suis dit cette semaine, faisons les trois ensemble. On devrait. C'est pas arrivé une seule fois depuis le début de la session qu'on a les trois chroniques, mais on va les faire les trois aujourd'hui. Ils seront pas nécessairement complètes, toute la gang. Ouais, non. Juste pour dire qu'on va avoir fait une fois dans la session les trois ensemble. Mais comme je disais, on a nos nouvelles entrées. Il y en a en tout 7. Du côté anglophone, on va retrouver plus tard Dilly Dally, Kurt Vile ainsi que LV. Et du côté francophone, eh bien, c'est 4 nouvelles entrées qu'on va avoir. Les Sœurs Boulay qui reviennent en charge, les Revenants, Ariane Zita et Marie-Pierre Arthur qui vont faire leur entrée au palmarès. C'est fou francophone. Commençons avec les 20e places en anglophone, LV avec l'album Return to the Moon, la pièce titre Return to the Moon, sauf que le titre au complet c'est Return to the Moon, Political Song for Diddy Bloom to Sing with Crescendo. Et là là! Hey boy! Mais boy! Mm-hmm. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est ça! Le dos de la parenthèse. C'est ça! Et bien, à la 20e place francophone, c'est Marie-Pierre Arthur avec Cacher l'hiver. Pas mal plus court comme titre. Ouais, pas mal, puis ça va être sens de Cacher l'hiver que je ne saurais voir. Ça nous tente pas. Non. Et pas mal, c'est fou, 81, effet. Même si demain te semble toujours trop loin, si tu pouvais au moins me dire ce qui s'en vient. Que le meilleur est déjà passé derrière. Je me couche avec la peur de te voir m'y faire. nouvelle entrée. Scratch a ticket with a leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. 19. Nouvelle entrée. Le très viril Kurt Vile et Pretty Pin Pin sur l'album Believe I'm Going Down va entrer en 19e place anglophone. Mais tout juste avant d'avoir entendu Pretty Pin Pin de Kurt Vile, eh bien, on a entendu Soyons Sauvages d'Ariane Zita. Et aussi avant ça, eh bien, on vous l'avait dit, Cacher l'hiver de Marie-Pierre Arthur. On est en train de se dire que Kurt Vile, c'est soit un nom de vedette porno ou encore quelqu'un de juste très, très, très viril. Viril, ouais, ça sonne mal, ça sonne. Tu sais, lui, il doit avoir un man bun avec une barbe. Mais en fait, est-ce que tu veux que je te le décrive? Ben, vas-y donc. Il a les cheveux très, très, très, très longs okay. et bouclés. Ah ben, tu vois, ça fit avec l'image que je me donnais d'un Kurt Vile. Ouais, ben, je sais pas si c'est très récent. Je sais que cette photo-là date de 2011. Les plus récentes, non, c'est pas... C'est pareil. Pareil, 2011 hein? aujourd'hui, exactement pareil. Ça fit. C'est un auteur-compositeur-interprète américain de rock indépendant né à Philadelphie en 1980. Un jeune homme fringant. Avançant en 20e place anglophone, c'était LVEL, espace VY avec Return to the Moon, la pièce-titre de leur plus récent album en 20e anglophone. Et comme je le disais, 20e francophone, eh bien c'était Marie-Pierre Arthur avec Cacher l'hiver, on veut pas qu'elle arrive, hein, celle-là, non, il faut non, vraiment non. la cacher. Exactement. J'étais en train de chercher des informations sur le band LV. Oui. C'est Matt Berninger, basé à Los Angeles, natif de Cincinnati, qui est connu comme frontman du band de indie rock The National. Et puis, il est maintenant associé avec LV, parce que la page Wikipédia mène à la même place. Ah, oh, ouais? Ouais, peu importe si tu fais The National ou LV, ça mène à lui, hein, faut croire. Matt Berninger, voilà. Il nous reste encore trois nouvelles entrées à entendre. Plus tard, en anglophone, il y aura Dilly Dally avec une pièce de l'album Soar qui s'appelle Purple Rage. Et du côté francophone, eh bien, en fait, on va entendre Rien ne saigne comme un pouce. On l'a entendu ce matin dans l'émission. C'est du band Les Revenants. On a quand même trouvé ça très bon, mais on a trouvé que le titre fitait pas nécessairement. Ouais, mais de nos jours, pour se démarquer avec les pièces et les bands, il faut avoir des affaires originales. Ben, on n'a pas le choix. T'as pas le choix. Et moi, j'ai trouvé ce matin que ce qui saignait, c'était surtout le paper cut que je me suis fait sur la feuille de papier que j'avais sur mon majeur. Puis après ça, un de nos collègues a dit, ben là, il me semble que c'est pas si pire que ça. Ben, t'as raison. Mais moi, j'aime pas ça, les paper cuts. Ça fait mal. Même si c'est vraiment en surface, un paper cut, ça fait mal. Oui, c'est sûr que ça fait mal. Ça brûle. Ça brûle. Fait que moi, je trouve que leur affaire de rien ne saigne comme un pouce, peut-être. Mais rien ne fait mal comme un paper cut. Ouais, ce serait le nom entre parenthèses de la chanson. C'est vrai, tu gagnes un point, là, Mathieu. C'est les palmarès, c'est fou, entre parenthèses, condenser de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Point de parenthèse. 89 FM. Ça, c'est après la parenthèse ou dans la parenthèse? Après. OK. Sans mémoire, blanchir leur guitare de rose, la paix de la sang de sang.

pas. Mais si la chance est mal commode, on casse en farge les pieds. T'étais beau, t'étais fin, pis bye. Oh, les sœurs boulées. Ah, oh, ça, c'est cute. Hein? Avec Enderman Island, position numéro 17 francophone. Avant ça, on a eu Dilly Dally en 18e anglophone avec Purple Rage sur l'album Soar. Et on a débuté avec Les Revenants. Bien, oui, exactement. Les Revenants avec Rien ne saigne comme un pouce. Et voilà! Vous mettez ça dans votre pipe. Ben, puis vous fumez ça. Et voilà. Avant de continuer avec les autres pièces qui ne sont pas les nouvelles entrées, c'est le moment de dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Comme on a accueilli 7, on dit au revoir à 7 et c'est Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Au milieu du port, j'ai pas mon char, à plus bas ma top, la file au bord, du trop heureux. Alors quand je suis pas mal beau, elle a mes pantalons. For free, for free, for free, for free, for free, for free, for free, for free. Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Palmarès depuis l'édition du 26 octobre au 1er novembre 2015. En commençant par Comme Dero et Phone Free qui restaient là simplement 3 semaines. Non, Katie Moore est partie bébé triste avec une petite larme à l'œil. Ah. La pièce Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin qui a duré seulement 3 semaines. Philémon Simon qui est quand même resté au top et au palmarès quand même un bon bout avec sa pièce La Musique, 7 semaines qu'il est resté avec nous quand même. Ça c'est respectable, je dirais. Oui, quand même. Je pense que les sœurs boulées se sont arrêtées sur le bord de la route. Il y avait un problème de char. Fais-moi un show de boucan qui a duré seulement 3 semaines. Pour 6 semaines, eh bien, c'était Twin Bandit qui était avec nous avec leur pièce Rosaline. Mm-hmm. On les a aimés, eux. Faith No More a vu sa journée se terminer avec Sunny Side Up. Ou encore, ses œufs se sont crevés avec Sunny Side Up et qui a duré 6 semaines. Je prends le deuxième gag. Ne fais pas à semblant de pleurer. Oh, hein? Parce que Faith Pierce... Ouais, elle était bonne. Fake Tears, bravo. Fake Tears, avec la pièce You Want the Light, qui est restée à eux aussi 6 semaines. On leur dit au revoir. Je dois dire que tu m'as surpris. Je l'ai pas vu venir. À vous. Un jeu de mots de ta part. C'est là. Bravo. C'était le premier et le dernier. Et le dernier. Oh snap. Voilà, donc c'est Palm Rest in Peace pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. On fait ça à chaque semaine pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Oui. Voilà. Maintenant, on doit sauter par-dessus quelques pièces pour avancer à la prochaine étape. Donc, du côté anglophone, on saute les 17 et la 17 et la 17e. Voyons, Carlin, la 17 et la 16e. En 17e, Rat-A-Tat avec Abrasive qui descend de 7. Et en 16e, c'est Teen Days qui descend de 4 avec Pink. Et du côté francophone, eh bien, on va simplement sauter la 16 qui est pour pêcher d'Arthur Comeau qui se retrouve exactement à la 16e position. Et on va passer à la 15e qui est ta playlist. On a créé un monstre, un Ben que tu connais quand même très bien. Oui, hein, que Matt? J'aime beaucoup, que j'adore. Je les ai vus en spectacle, puis c'était cool. Du côté anglophone, suivra juste après 1977 avec une pièce qui était une nouvelle entrée la semaine passée, We Do. Mais pour l'instant, si on a créé un monstre. Et ta playlist. Oh, bah, c'est fou! 89 FM. Visitez sifou.ca. 15. 1977, la pièce We Do monte de la 19e à la 15e place et c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a montré de 4 places pour On a créé un monstre parce que la semaine dernière, ils étaient en 19e position et cette semaine, c'est la 15e place pour eux. Eh bien, tabarnouche! Eh ya! C'était bon, ça! Oui, ta playlist. On va perdre le moins de temps possible dans cette première heure parce qu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes et encore énormément de pièces qui sont nouvelles de la semaine passée qu'on aimerait pouvoir se remettre en oreille pour peut-être les apprendre à les adorer, vouloir les jouer à Assemblage Requis, entre autres, le matin. T'sais. En effet. Donc allons-y avec les 14e places. En anglophone, c'est Young Rival et That's Chemistry qui montent de la 17e. Et du côté francophone, eh bien, c'est les Hôtesses d'Hilaire qui vont être de passage ici à Trois-Rivières. Si je ne m'abuse, c'est le 19 novembre au Nord-Ouest Café en spectacle. Et ils sont passés de la 20e place à la 14e place avec leur pièce Regarde-moi. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. Des beaux souliers que je viens de m'acheter. Alors, regarde ma dernière montre. Alors, regarde, c'est qui c'est qu'un nouveau cellulaire. Alors, regarde, c'est la saison de barbecue. Alors, regarde le nouveau balcon. Alors, regarde la rallonge à la maison. Alors, regarde, on s'est fiancé. Regarde la limousine pour mon bachelor party. Alors, regarde, on s'est marié. Alors, regarde, je suis rendu sage. Alors, regarde mon bébé. Le cordon détaché. Le cordon dans le sol. Quatorze. Le rétro de Young Rival avec That's Chemistry qui monte de la 17e à la 14e position anglophone de nos palmarès. Et du côté francophone, eh bien, on vous l'avait dit, c'était Regarde-moi des hôtesses d'Hilaire qui vont être ici à Trois-Rivières le 19 novembre. Qu'est-ce que tu as un nouveau cellulaire? Ah, c'est bizarre comme, comme musique. Regarde-moi. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste particulier, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est particulier. C'est bizarre comme groupe, les hôtesses d'Hilaire. Hein? On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais... Alors que Young Rival, comme j'ai dit, c'était très rétro. On s'est donné un petit plaisir à aller voir sur le site de doyoulookgood.com qui était hey, exactement pareil comme plus de 12 ans. Parce que Mathieu puis moi, on parle souvent de choses très absurdes pendant qu'on vous fait jouer les musiques, les tunes. Quand on n'est pas chansons. La chanson, mettons, ça se peut qu'on fasse d'autres choses. Fait que là, on parlait justement des anciens sites de rencontres. Là, on était comme « Ouais, t'as essayé de look good ». Puis on a trouvé que c'est exactement la même chose. C'est pas. Allez-y, pareil. Juste pour vous donner un petit flashback, là. Allez-y, juste pour le fun. Ouais. Ça va vous remettre dedans, pareil. Peut-être comme que vous allez vous réinscrire aussi. Peut-être. Ça, c'est comme l'ancêtre de Tinder. Genre, c'est ça, c'était le Tinder des années 2000, début milieu 2000. Début, ouais, début. Environ. Bref, tout ça pour dire que j'avais dit qu'on n'avait pas grand temps pour parler tantôt. Ouais. Hein? On va y aller avec un dernier bloc dans cette portion d'émission. On a le temps juste pour un dernier. Donc, en position numéro 13 anglophone, il y aura The Paper Kites avec Electric Indigo qui monte de 5 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Démé avec Encore plus fort qui lui passe de 4 positions parce qu'on fait un saut de la 17e à la 13e place. Bon, ben, ça me donne envie de démettre ça dans le lecteur. Encore plus fort. Ou encore démettre ça sur les ondes de radio. Démé. Pas le reste, c'est fou. 89. Yeah. jazz. What you gonna do? C'est comme un remix de la tune de Cops. What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? C'est vrai, hein? C'est pareil. Bad Boys, Bad Boys. Donc, c'était du côté anglophone, la formation de Paper Kites. Et la pièce Electric Indigo. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu Demi avec Encore plus fort. What you gonna do? What you gonna do? Colin, je remarque ça, le temps a tellement filé. Là que là. C'est pas le temps de commencer à parler sur d'autres choses, c'est le temps de finir l'heure. C'est la fin de la portion New Shit des palmarès, c'est fou. On se retrouve dans quelques instants pour la portion Top 10 avec les positions 19, 8, 7 et 6, ainsi que les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. C'est-à-dire au retour 89 FM. Restez là. What you gonna do when Assez fou. 89. C'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 2 au 8 novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. En effet, en effet. C'est la portion top 10 de l'émission. Déjà. C'est souvent le mot que tu utilises, hein. C'est tout le temps déjà quelque chose. Ben oui, mais c'est déjà le temps de ça. Tu sais, c'est parce que le temps passe vite. Oui, ben c'est vrai, on a déjà une heure de fête sur trois. On a le tiers de fête, 33,33% et des poussières. C'est pour ça que je disais ça. T'as raison, le temps passe donc bien vite, là. Ma vie est presque finie. Pleure pas. Portion numéro 10 du côté anglophone, ce sera New Order avec une pièce qui monte de la 15e, donc de 5, c'est Restless. Et du côté francophone, on monte aussi de la 15e position à la 10e place pour Francis Faubert avec Maniwaki. Donc, ils se sont donné le mot, ces deux-là. Hey. On y va pas avec le dos de la cuillère. C'est la deuxième fois que tu fais cette expression-là. Et c'est les palmarès, c'est fou. Et voilà, au 89 FM. Aussi. J'attendais le bon moment qu'on me sacre la paix. Les années m'ont creusé le visage, le temps a usé mon courage. Je serai plus jamais le pourvoyeur de rêves déçus par le malheur. Les sacrifices et la routine sont des complices assassines. J'ai fait mon temps, élevé mes enfants. J'étais mon cœur et ses erreurs. J'sac mon camp sur les ailes du vent. J'ris pis j'pleure en même temps. J'étais soldat de la raison. La guerre aux ambitions. J'ai pris mes désirs pour des caprices. Je peux plus vivre en coulisses. J'ai jamais vu se lever le soleil autrement que pour gagner ma paye. J'ai jamais apprécié l'horizon ailleurs qu'assis dans mon camion. J'ai ma jeunesse, les belles folies quand une promesse. Un soir je sors ma vieille Kawasaki sous les étoiles du ciel de Maniwaki. 10. So heavy heart. New Order, la pièce Restless, monte de 5 places en 10e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Francis Faubert avec Maniwaki. Ben oui. Hey, toi. On est en direct le mardi après-midi. Ben, comme en ce moment, là. C'est ça, comme genre qui commence à faire noir, comme. Comme, oh, t'es pas obligé de le rappeler. Non, je sais. Je viens de dire que je suis en dépression saisonnière, ben, mais que fais-tu? Est-ce que t'es hypochondriaque, Tania? Hey, demande à ma mère, voir. Voir si t'es hypochondriaque. Elle a failli te prénommer comme ça. Non, mais oui, premièrement, et je suis certaine qu'à côté du mot dans le dictionnaire, il y a ma photo. Ah! Comme c'est terrible. Ben, est-ce que ta photo, c'est quand t'es blonde ou quand t'es brunette ou quand t'es rousse ou quand t'es. Noir. Noir. Ouais. Parce qu'on sait pas, on est en train de déterminer la prochaine couleur de cheveux de Tania. Ouais. On fait ça quand on écoute la musique, nous. C'est ça, on fait plein de choses. On est très, très multi-tactile, sensoriel. Et, exactement. Etc. J'hésite. Je te l'ai dit, j'hésite entre. Brun pâle ou brun foncé? Brun pâle tendant vers le roux ou okay. Brun foncé quasiment. T'es déjà au burn pas mal, fait que je prends pas une affaire trop similaire. Hein, n'est-ce pas, chers auditeurs? C'est pas rendu un show de beauté, je vous. Hey, faites-moi donc vos suggestions sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ben oui, d'Assemblage Requis. Juste pour voir ce que vous allez dire. Allez-y. J'aimerais ça qu'une personne le fasse juste pour. J'aimerais ça aussi qu'une personne dise comme Tania. Rase-toi donc. Non, j'aimerais qu'une personne nous dise, genre, vous êtes pas un show de beauté. OK. Parlez pas de mode. Mais on n'a pas parlé de mode. Non. On a parlé de cheveux. Ben, les cheveux, c'est à la mode. Ben, là, c'est parce que de ces temps-ci, tout le monde a des cheveux. C'est une belle mode dans ce temps-là. Ouais. On écoute Les Incendiaires. Voici Tezuku en 9e place francophone. Tu sais, quand le silence est extrêmement bien placé. C'était très bien placé. Méticuleusement Les fillettes américaines de US Girls, la pièce Window Shades, 9e place anglophone. Et pendant que du côté francophone, eh bien, on a monté de 9 positions exactement pour les incendiaires avec la pièce Tozuku. Dans quelques instants, ce sera Nave Confi et Caveboy en 8e place. Mais avant ça, on retourne à l'émission du matin. Oui. Assemblage requis, qui a des fois des bons moments ou des moments juste correctement appropriés, adéquats, mettons. Il y en a d'autres que c'est pas très très approprié ni adéquat. Et après ça, on fait un montage avec tout ça. Voici un instant classique. On a pris quelques semaines de retard, donc retournons jusqu'à la semaine du 19 octobre 2015. Ouh. Il fait froid, là, tu sais, juste présentement, il fait, OK, peut-être, ça dit 16. Dans le studio, dans il le fait studio, 16. Ouais. Hein? Parce que ce matin, à la météo, ça disait 4. Ah, donc le bulletin météo de C'est fou dit juste à 4. Ouais, c'est comme, très froid. C'est comme les numéros à la banque quand ils t'appellent, là. C'est juste 4. Oui, ouais. Même affaire. C'est ça. Crème, là, ils se baignent jeune. Puis là, ils vont se baigner. Mais l'affaire, c'est que ça laisse un dépôt sur les bancs de coraux. Ça nuit vraiment aux habitants, là, des, dans le fond, les espèces marines qui vivent là. Passe-coraux, comme on dit. Passe-coraux! Excusez-moi. Tania. Ben oui. Ben oui. Exactement. Vous la trouvez bonne. Ben, elle était bonne. Ah, merci. Elle était vraiment bonne. Je cherchais pas votre approbation en disant ça. Ça va bien? Oui, passez une belle soirée hier. Attends, attends. As-tu gagné des élections? Tout le monde vous demandera ce matin et vous avez le droit de pas répondre. Il faut voir le bon côté des choses. Oui, il faut. C'est ça, t'as beau avoir il le moral. Soleil. C'est ça, t'as beau avoir le moral à terre, mettons. Ouais. Dis au moins, il y a une émission de radio qui s'en vient qui va nous remettre de bonne humeur. Mais... Et voilà. Si c'est le cas échéant, dépendant, je sais pas comment vous vous sentez, je vous connais pas tant. On est là pour ça. C'est ça. Je vais pas commencer à parler à chaque personne individuellement. Non. Je sais pas combien de temps ça prendrait, mais. Est-ce qu'il faut que je m'assoie sur ma chaise puis m'achète dessus, je vais attasser même si elle adore. Faut pas m'asseoir sur ma chaise. Tu vas perdre sa confiance. Laisse-y ta chaise, Mathieu. Laisse-y ta chaise. Contrairement à toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, OK. On peut faire une plus grosse quantité de betteraves, puis sont déjà cuites pour soit d'autres recettes ou pour se faire un petit canal. Ah, c'est beau. Mais c'est le fun, la betterave dans le blender, puis là, toutes les betteraves dans la maison. Tu veux faire un party, tu vas appeler ça un bet rave, ça? Oh, un bet rave. Ben oui. Oh Mathieu, tu m'étonneras toujours de tes jeux de mots. Ah, incroyable. Tu prends pas une bouchée puis tu dis « Oh mon Dieu, que ça goûte de beurre d'amande ». La betterave est beaucoup plus présente, mais « Oh, j'y pense » puis j'ai des petits frissons. Oh. Alors, c'est la Bette Midler des bêtes. Oh! Tu sais, tellement que ça te donne chaud au cœur. Hey. Bette Midler. Quand je suis allée au Maroc, il y avait de l'huile d'argan qui est présente dans beaucoup de shampoings puis il faisait le même traitement aussi. Si vous voulez en savoir plus, on a notre émission de voyage Maroc classique les vendredis et vendredis. Oh, avec Alain. Oh, oh. Ouais. T'avais quoi, Bette Midler là-dedans? T'avais mis Bette Midler là-dedans. Ouais, ouais. Ben ouais, c'était pas ma semaine préférée en termes de blagues, la semaine du 19 octobre. C'était là 2-3 semaines, ça je pense. Ouais, je pense que c'est parce que le changement de saison nous frappait directement. Ça t'a peut-être gelé le cerveau un peu. Peut-être un peu. Mais ça s'améliorera dans le prochain montage qui inclura les semaines plus récentes. Je pense qu'on a eu plus de plaisir. Hein. Mais bon. On a dit plus de niaiseries. Plus de niaiseries, je pense. Ouais, vraiment. Bref, tout ça pour dire qu'Assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On est toujours en direct à partir de 7h30, comme le dit la voix sexy de Tania dans la publicité radio. En direct à partir de 7h30. Ah ouais, mais c'est comme si j'y étais. Dans ton lit, je sais pas trop ça. Je sais pas, c'est une voix que j'ai pas l'habitude d'entendre de ouais, ta part. Non, ouais, voilà. Maintenant, on est rendu au position numéro 8 de nos palmarès. C'est déjà. Fou en anglophone, déjà. on pourrait te sortir un hashtag. Ouais, hashtag déjà. Hashtag Tania, Tania déjà Baudin. C'est sûr. Ouais. J'adorerais ça. Ouais. Pas game. Non, vraiment pas game. Du côté anglophone, la 8e, c'est Caveboy avec Something Like Summer qui est stable. Et du côté francophone, c'est Nave Confi avec Mannequin de magasin qui a quand même monté de 5 positions cette semaine. On passe de la 13e à la 8e. Nave Confi, c'est pas des. Ne pas confondre avec des bêtes. Non, des bêtes rave. Bette Midler. Bette Midler. Nave, qu'est-ce qu'il y a comme jeu de mots à faire avec Nave? Nanana! Je sais pas. Bon, ben, on va y pas, y en a pas avec Navet. On va y penser. Face de courge. Téléphone sonne. Veux-tu un coup dans tes noix comme butternut squash? Courge butternut. Il y avait un potage à la courge butternut cette semaine. Était-tu bonne? Mais hein. Bon, tant mieux. Bon, on retourne sur la chanson. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait. FM. 8. Thank you. Voici Bon Ben Cameron, Cave Boy avec Something Like Summer, stable en 8e position anglophone. Pendant que du côté francophone, eh bien, c'était Oui, n'avait confié avec mannequin de magasin. T'as raison, exactement, oui. T'as raison, je sais. J'ai bien vu dans ton visage. Ouais, le gars il se pose des questions dans la vie. Il faut se demander des fois, est-ce que c'est moi le problème? Mais non! On l'a dit, tout est une question de standard. C'est ça, et de goût. Et de goût. C'est toujours ça, comme nos pièces dans les palmarès, il y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on aime plus, mais c'est pas nous qui décidons. Ce sont les animateurs de Sifu, en général, nous ne sommes que les messagers. Tu comprends? Très vrai. Du côté de la 7e position anglophone, on retrouve Beirut avec Gibraltar qui, elle aussi, comme la 8e tout à l'heure, est stable. Mentalement. Et du côté francophone, mentalement, oui. Bon, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, il faudrait peut-être lui poser la question. Ouais, voilà. Du côté francophone, c'est quelqu'un qu'on aime bien, un artiste qu'on aime écouter, en fait, Simon Kearney, avec la pièce En attendant. Malheureusement, on descend de 4 positions pour Simon. Ah là. Décevant. C'est décevant, là. Je veux pas t'encourager là-dedans, Simon, à descendre de... Moi non plus. Non. Hey, les standards sont pas où? C'est les palmarès, c'est fou. À 89.1 FM. Coucher avec le temps. En attendant, vider le cinéma sans souvenir. En attendant, je n'essaierai même pas de surprendre les grands rôles. Je connais les rôles, je n'essaierai. suite. Stable en 7e avec Gibraltar sur l'album No No No. No No No No No. No No No No No No. Pas la fin de même. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu du Simon. Francophone. On a entendu du Simon Gurney avec En Entendant. C'est beau comment tu passes, comme quand tu chantes. Merci. C'est pas comme quand tu chantes ou c'est comme si tu tuais un chat. Tout à l'heure, en position numéro 6, ponctuation et The Dears. Mais avant ça, c'est l'heure de retourner en arrière. Ah, voici C'était fou. Et cette fois-ci, on retourne à la semaine du 31 octobre 2003. Je suis pas tout le monde qui croyait que la vérité existait. Mais moi c'est sûr que j'ai un forfait, car tout est faux et rien n'est vrai. Tout le monde est seul, je suis tout seul à tous les jours. Au fond de moi, juste une envie qui est malmenée par le saut. J'arrive, ma génération. J'arrive, ma génération. Au fond de moi, les jeunes que je vois sont de plus en plus désabusés. La société est le miroir des choses que j'ai toujours détestées. J'y pense au fond, oui c'est vrai, j'y peut-être tort. Mais d'amis d'un, je n'ai quelquefois bien moins valant que la. You were talking, you were sorry. You're a teenager. C'était fou pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2003. On est retourné en arrière pour entendre le numéro 1 francophone, Les Pistoleros et Ma Génération sur l'album du même nom. En numéro 1 anglophone, c'était The Darkness et Get Your Hands Off My Woman sur l'album Permission to Land, classique. Et j'ai choisi comme pièce bonus Song No. 1 sur l'album I'm a Robot de I'm a Robot. Un groupe que j'adore, I'm a Robot. À chaque fois qu'il y a l'opportunité qu'il est dans le top 40, peu importe la pièce de ce band-là, je la fais jouer. Hein. Bon. Sinon, la même semaine du 31 octobre 2003, il y avait aussi Capitaine Révolte, il y avait André, Urbain des Bois, Antoine Graton, Seven Dust, Billy Talent était là, Sloan, A Perfect Circle, Iggy Pop et The Strokes dans le palmarès. Donc retrouvez le lien vers le palmarès de 2003 sur assemblagerequis.com. Voilà pour le blog, c'était fou. Il nous reste pas assez de temps, mais on va le faire quand même pour les sixièmes places. Du côté anglophone, ce sera The Deers avec I Used to Pray for the Heavens to Fall. Je l'ai fait jouer parce que c'était l'ancien numéro 1 la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on est resté stable de la semaine dernière à cette semaine. C'est Ponctuation avec Narcisse. Non, elle semble pas assemblage OK. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, celle-là. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Je le fais pas aussi souvent que je devrais le faire, il me semble. Avec, avec trois émissions, il me semble que je le fais pas tant que ça. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Yeah. 6. It's not safe. The Deers est lancé numéro 1 du côté anglophone. I used to pray for the heavens to fall sur l'album Times Infinity. Et du côté francophone, eh bien, c'était Ponctuation avec Narcisse. C'est la fin de la portion top 10 de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour la portion top 5, la troisième heure. Et on va savoir, ben en fait, on va savoir seulement si le numéro 1 francophone s'y est toujours. Ouais, est-ce que c'est encore Galaxy de, avec Portugal ou ça l'a changé? Du côté anglophone, on vient tout juste d'apprendre que The Deers n'est plus au sommet. Alors la réponse dans moins d'une heure au Palmarès est fou. Restez là! FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours les palmarès, c'est fou pour la semaine du 2 au 8 novembre 2015. Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est la troisième heure, la portion top 5 de l'émission. On vient tout juste de l'annoncer à la fin de la deuxième heure, mais oui. Notre numéro 5, notre numéro 1 anglophone est rendu en sixième place. Ouais. C'est ça. Est-ce que du côté francophone, Galaxy va être encore au top 1 cette semaine? On va savoir dans, je dirais, peut-être 10 minutes environ. Donc, du côté anglophone, le numéro 5, c'est Alabama Shakes avec Future People qui monte d'un cran. Et du côté francophone, eh bien, c'est Joël Saint-Pierre qui descend de 3 positions parce qu'on passe de la 2e à la 5e cette semaine avec sa pièce « 100 pas ». Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes. Je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre. Donne-moi la raison de ce délire. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Thank you. 5. Alabama Shakes, Future People, ça monte d'une place en cinquième anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était 100 pas de Joël Saint-Pierre qui est descendu de 3 positions cette semaine à la cinquième place. Ça sent pas mauvais, ça? Hein? Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Une chance qu'il n'y ait pas de top 1. Une chance, hein, hey boy. Ouais. Les non, mais t'aurais fait des jeux de mots poche avec ça, mon gars. Des jeux de mots de poche, sûrement. Et voilà. En quatrième place en anglophone, c'est Metric qui monte d'une aussi. En fait, il y a pas mal de choses qui montent d'une place dans le top 5. Vous allez voir si vous suivez l'histoire. Mm-hmm. Donc la sixième est montée en cinquième, la cinquième monte en quatrième, Metric 4 Kicks. Et du côté francophone, eh bien, on fait une descente de 3 places, malheureusement. Oui, je l'ai dit, parce que Galaxy avec Portugal n'est plus au top 1 du palmarès francophone. Il semblait que ça disait quelque chose. On se retrouve à la quatrième place. Il semblait bien que tu avais dit que Galaxy était au sommet. Ah. Mais non, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. C'est fini. On va tout avoir. Ben non, on les écoute Galaxy tout de suite au palmarès, c'est fou. 4. Et la pièce Four Kicks monte d'une place en quatrième anglophone. Pendant que du côté francophone, eh bien, c'était Galaxy avec Portugal. T'as de quoi d'en face? Ouais, j'ai mis mes écouteurs puis mes cheveux sont restés pris. C'est juste drôle pour nous autres en studio. Ben oui, caméra 3. Hey, hey! Tantôt, je disais que tout le monde avait monté d'une coche dans le palmarès anglophone jusqu'à maintenant. Donc, en troisième place, c'est l'ancienne quatrième. C'est The Fratellis avec Me and the Devil. Et en troisième place, bien, c'est aussi l'ancienne quatrième du côté francophone. C'est Donne-moi-en de Bernard Adamus. Ben, qu'en en v'là. Hey, hein? Hein? C'est le palmarès, c'est fou. En veux-tu en v'là? C'est ça. C'est le nouveau slogan. C'est tellement marketing, tu devrais étudier là-dedans. Hey! On dirait que tu connais mes plans. On dirait que ça sent bien. Parti Scorpio, singe bonobo, piste de guédine sur fleur en potin de taille. Achec l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Paraît peut-être pas, mais ma tzikadone n'a pas une grande de même, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma tzikadone n'a pas une grande de même, t'en as plein les bras. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main, y'a que de ça, pis de rêve que là. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main, y'a que de ça, pis de rêve que là. Je sais que c'est que fait qu'il faut qu'on parte. Il bouge pas là, pas simple à suivre. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, s'allume sur une botch. Mais dans sa main, un drôle de bébé. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis à t'asseoir. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis à t'asseoir. Tire, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis de rêve que là. Oui, donne-moi ça, juste de même. Rien que de ça, puis de rêve que là. C'est me shooter une peine de blanche, j'enlève le coup dans tous ces matchs. Au plan de score, va sur escort dans mes oreilles. J'entends de l'écart, le compte à rebours. Si passé pour ma question, voici je m'agresse. Le week-end, big me roule, c'est pas mec la tune. J'ai mis que les fonds, on rajoute, puis on radote la note. La montre, la BDSA, si je pêche dans un gramme. Deux sucres, une crème, je pique à chaud pendant le week-end. Fait chauffer le casque en début de semaine. Excès d'avoir action, être encouragé, que tu me coules la main. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pété une Shawinigan, m'a dit qu'elle bonne mec. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pété une Shawinigan, m'a dit qu'elle bonne mec à ma gamme. one last beautiful lie for me. Make all your promises rhyme for me. Keep me in line, but do it honestly. Make it real, make it slow, stay alive for me. The Fratellis, Me and the Devil, troisième place. Anglophone, ça monte de une à une. Et du côté francophone, on a aussi monté de une. T'essaies d'avoir l'air sévère. Hein? Ouais, c'est ça. J'essayais de faire comme toi, mais ça fonctionne pas dans ma tête. Non, pas de... côté francophone, eh bien, on a aussi monté de une avec Donne-moi-en de Bernard Adamus. Mmh. On arrive déjà au numéro 2. Il nous reste seulement 20-25 minutes à l'émission d'aujourd'hui. On arrive au numéro 1 et plus tard, on va avoir le temps de revenir en arrière un peu. Donc, en anglophone, le numéro 2, eh bien, ça suit le pattern, le pochoir de la précédente ronde. C'est-à-dire qu'on monte une place, The Sheepdogs avec Downtown, là, depuis 4 semaines. 4 semaines! 4 semaines! Ça faisait Jean Chrétien pas mal, ça, ouais. Du côté francophone, eh bien, on a fait un saut de 5 places quand même, de la 7e à la 2e place. C'est Philippe Braque qui prend le 2e rang avec Christelle. Braque! Oh, pas c'est fou. Braque! Dans mon angle mort. Tes yeux ne vieilliront jamais. Chaque essai, mais toi, à pendant que tu dors, le sommeil te berce, il te garde fort. Entre tes deux oreilles, même pas l'onde d'un remords, malgré les faux clins d'œil, les shots de fort, dans mon inconscient, tu flottes tout le temps. dans mon angle mort. Deux. Maybe it's good to feel alive and waste away your time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand tonight. I'm a complicated man. You try and split the band. Dogs, Downtown, monde d'une place. Deuxième position anglophone. Il me semble que je sais à chaque position, monde d'une place. Ben oui, c'est vrai, hein? Mais du côté francophone, en fait, on a monté de 5 places parce que Philippe Braque est sauté de la 7e à la 2e place avec sa pièce Christelle. Tout le temps pour être différente de moi, toi. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pas moyen. On s'entend jamais. Hein? Allez, on est rendu au numéro 1. Déjà. Numéro 1. Si bon. Hashtag déjà, hein, Tania? Hey, mais il fallait que je le dise, là. Regarde l'heure. Il est moins 20 de l'heure dans laquelle nous serons dans prochainement. Oui. Versus le temps habituel où on arrive au top 1. Nous serions normalement rendus à l'avant-dernière demi-heure, à la fin de l'avant-dernière demi-heure. Ça. Tout à fait. Alors, c'est bien. Déjà. Déjà, en déjà. Effet. Pour une hashtag fois que ça s'applique. Hashtag déjà. Tania déjà, comme on dit. Tania a déjeuné. Tania et puis Tania a déjeuné. Ce sera okay. Le nouveau nom d'Assemblage Rock. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Numéro 1 veut dire blague, jeu de mots poche. Ah oui, vas-y. C'est comme ça. Peu importe le moyen de transport que tu utilises, tu vas toujours te rendre jusqu'au numéro 1. Et les numéros 1, ça veut toujours dire... C'est comme un peu comme un autobus aurait sur le côté un petit arrêt-stop plus petit que les autres. Mm-hmm. Tu sais, ou mettons, j'étais l'autre fois au centre d'achat des Rivières. T'as un minuscule, il est tout petit, un minuscule arrêt-stop. À un moment donné, en arrière, tu fais comme, pas comment ça? Oui. Comment ça? Ben c'est de même, dans l'autobus. Okay. Moi, je trouve ça con. Ben c'est oui. même complètement inutile, un aussi petit stop à une aussi haute hauteur. Je sais pas si c'est pour les trucks. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que ça a l'air un peu trucker, Connor. Un trucker américain s'appellerait Connor. Ah ben oui, ça fêterait. Et goûterait sûrement si tu lichais un peu l'orange. Et sûrement que si tu le lichais ou qu'il te donnait l'eau à la bouche, tu aurais l'air un petit peu de baver sur le bord. Et un robot qui se bavait sur le bord... Il pognerait sûrement un choc électrique envers lui-même. Ben oui, sûrement. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça, c'est pour le francophone. Ouais. Alors que pour l'anglophone, je dirais que ça me donne envie de hurler de joie de les voir là. Hurler trois fois. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens et je hurlerais à la lune. Ou encore, peut-être, oui? que j'essaierais de m'attirer un taureau. Ou peut-être comme les... Comme les matadors feraient. Ouais. Est-ce que tu peux attirer un loup avec un linge rouge? Je sais pas. Je sais pas moi non plus. Mais ce qui est rouge, par contre... C'est le diable! Ah. Dis que tu aimes Satan. Et Satan te le rendra. Sûrement. Oh, wow. Fallait que ça rime, hein? J'avoue. Explique-nous les jeux de mots, s'il te plaît. Hey là, on y a été d'aplomb, hein, cette semaine. C'était pas évident. La première francophone, eh bien, c'est l'autobus, d'où toute cette histoire d'autobus jaune. Ah, j'avais oublié depuis tantôt, ouais. Avec les connards à l'orange sur leur album Bave de robot. Celle-là, elle était un peu plus difficile, hein? Oui, un robot qui paye un choc sur lui-même. Ouais. Ouais. Mais bon. Ben, faut ce qu'il faut des fois. Hein. Bien oui, c'est le top 1 francophone cette semaine. Et le top 1 anglophone, eh bien, c'est Three Wolf Moon. Donc, hurler au loup sous la lune. Sous les trois lunes, ouais. Je pense qu'il y avait trois lunes dans l'histoire, il me semble. Je l'ai même pas écouté moi-même, mon histoire. Avec. Du groupe The Matadors. D'où le fait de d'essayer de tirer un taureau. Oui, ou encore, comme dire, tes jeux de mots sont tellement mauvais, Matt, t'es à la porte, Matadors. Matadors. Et ça vient de l'album Say You Love Satan. Voilà. Hein? Ton Satan a plus l'air d'un Satan que Satan. C'est vrai, hein? Je trouvais que c'était sûrement l'accent britannique que t'as utilisé. Il avait l'air soyeux, ton Satan. J'ai tout le temps une voix soyeuse. Soyeux Noël, comment on dit? Noël. Dit Satan. Alors, c'est les deux top 1 cette semaine au palmarès, c'est fou. Ben, c'est, moi, j'ai envie de les écouter. Ben, moi aussi, j'ai comme le goût de savoir c'est quoi ça. On a encore quelque chose en commun. On a tous les deux envie d'entendre les numéros 1. Ouh, je suis sûre que vous aussi. Hey, as-tu vu, j'ai failli crier au loup. Oui, t'as failli dire déjà aussi. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Je me dis que t'aimes, toi le poteau bouché sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. J'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau. Avant de passer 8 heures à vendre la merde au fou. Je suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu leur vendre la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles. Juste crier mes châtiments. J'suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. L'utiliser pour te parler. J'te regarde du coin l'œil et puis j'gosse sur mon iPod. J'écoute les marmottes pis d'autres musiques plus à mode. On arrête en même place, on va chercher des cordes. J'te regarde se paraître au milieu de l'or. L'écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Position. Des palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 novembre 2015. En anglophone, le numéro 1, c'est The Matadors. On vient d'entendre avec Three Wolf Moon sur l'album Say You Love Satan. Pendant que du côté francophone, eh bien, le top 1 cette semaine, c'était Les Connards à l'Orange avec leur pièce L'Autobus de l'album Bave de Robot. Un bon choix. Un très bon choix. Oui, c'est même dans la publicité des palmarès C'est fou. On l'a dans la tête tout le temps. Oui. Ça. Ben oui. Il nous reste une dizaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Juste assez de temps pour aller entendre au moins une pièce, peut-être même deux. Qu'on a sauté précédemment. Donc, on a choisi la plus jeune, la petite jeunesse. La petite jeunesse. On a sauté en 11e place Alberta Cross, qui monte de la 20e, donc qui a franchi presque la moitié du palmarès, même littéralement la moitié, parce que, ouais, 20 à 11 puis 10 à 1. C'est pas mal la moitié, ça? Ouais, ouais. Alberta Cross, c'est Ghost of Santa Fe. Et après ça, on revient pour se dire au revoir. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. so far gone away. I can see you falling after all. I kept my heart burning and I kissed the flame, but I guess there's no ghost to Santa Fe. Albert Cross, Ghost of Santa Fe, au palmarès c'est fou, et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Oui, des... Yeah! Ouh, il était pensé pour je dire hashtag déjà. Hashtag déjà. Parce que je pense que ce sera ton nouveau surnom. Non, mais sérieusement, il faut que j'arrête. Ben oui, mais là, t'es rendu. C'est maladie. C'est un running gag, Tania, déjà. Surtout déjà. Dans l'émission aujourd'hui. Je pense que t'as un petit toc. Je crois que c'est parce que mon cerveau... À toutes les semaines, je le dis, mais tout le temps, mon cerveau, il décroche à partir d'une certaine heure. Après 5 heures, là, t'es même plus là physiquement, mentalement. Mentalement, oublie ça. C'est ça. Bref. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, ce sera Réanimation, émission de métal et d'horreur. On repart les vendredis soir à 17h. Après nous, c'est Sky Punk et les Bonnes et Roses. Et dimanche, entre midi et 15h, restez à l'écoute. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Demain matin. Et moi, je vous retrouve aussi au Mathieu Plante Show les mercredis entre 15h et 17h. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, la 11e place francophone. C'est drôle parce qu'on vient d'écouter la 11e anglophone. Ça donne quand même comme ça. Bien oui. Ce sera Rose Fargo qui est là depuis seulement 3 semaines avec la pièce Tombe. Et on écoute ça et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye! Déjà? Déjà! Hashtag déjà! Voyons donc!